accrochés. Le spectacle va bientôt commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On passe en mode Hot Rods pour les deux prochaines heures à venir. Nous allons remonter le temps ensemble. Alors, bienvenue dans les studios de Radio Web Passion. Il est 18h05 et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Avec, à partir de 19h, eh bien, on passera en mode Jimi Hendrix pendant une petite heure. On va explorer trois albums ensemble. J'en dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure. On vient d'ailleurs d'en écouter un extrait, ça s'appelait Earth Blues. Un préambule en guise d'amuse-gueule de ce qui nous attend dans à peine une heure. Mais d'ici là, on va se faire un max de plaisir avec du bon son des 70s, des choses que vous allez peut-être découvrir, d'autres que vous avez oubliées et que vous allez redécouvrir. C'est ça l'esprit Hot Rods. Pas de prise de tête, laissez-vous aller, laissez-vous faire. Je m'occupe de tout, laissez-moi vous divertir, on va se faire du bien aux oreilles ce soir. Yeah.

jusqu'à la dernière goutte. Rien ne se perd, aucun gaspillage. Deux Queen à la suite. Ça, c'était juste pour le plaisir. Let Me Entertain You, c'était en 1978 sur l'album Jazz. Et à l'instant, c'était un petit moment suspendu avec The Prophet's Song, paru un petit peu plus tôt en 1975 sur l'album A Night at the Opera, sur lequel on pourra retrouver le fameux Bohemian Rhapsody. D'ailleurs, il y a quelques ressemblances avec ce titre. On va repartir encore plus tôt maintenant, on va partir en juillet 1972, au moment où sort le premier album de Fogat. Fogat, un groupe dans lequel on avait déjà écouté pas mal de morceaux, extraits de leur discographie. C'était il y a un an, je crois, un an, pendant le confinement. Voilà, un an et demi. Alors on va y retourner, on va retourner en 72, donc sur leur premier album, et on va s'intéresser plus particulièrement à la sixième plage. Le titre, c'est Highway, You Killing Me. Allez, c'est parti. L'odeur authentique des 70s. Get up in the morning and it's just another day. Pack up my belongings. Voilà, il est bientôt 18h25, vous écoutez Hot Rods, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À l'instant, on vient d'écouter Moving On, un titre de Bad Company. Alors Bad Company, c'est un super groupe britannique dans lequel on pouvait retrouver Paul Rodgers et Simon Kirk, deux ex du groupe Free, accompagnés par Mick Ralph, un ex gratteux de Mott Viopel, et Raymond Bowes Burrell, ex-bassiste chanteur de King Crimson. Voilà un titre que l'on trouve sur leur premier album paru le 26 juin 1974. Alors pour l'anecdote, Bad Company, eh bien c'est le premier groupe à avoir signé un contrat avec le label de Led Zeppelin, Swan Song Records, tout fraîchement créé le 10 mai 1974. Alors, quelques mois plus tôt, le 19 octobre 1973, Ronnie Monrose, Sammy Hagar, Bill Church et Dennis Carmassi publiaient leur premier album sous le nom de Monrose, un disque souvent considéré comme culte par les amateurs de hard rock de la première moitié des 70s. On va écouter un titre, bien sûr, on est là pour ça. On écoute Make It Last et juste après, un petit Hendrix, ce sera Isabella. Well, I wouldn't have any other way. vous allez entrer dans une zone de turbulence. Veuillez attacher votre ceinture. Ne craignez rien, c'est juste du rock'n'roll. Together for you. If you wait for me and save your love, child, then I know I'll be fighting true. Isabella, une chanson de Jimi Hendrix qu'on retrouvera à partir de 19h pour une petite heure en notre compagnie. La semaine dernière, je vous avais fait un focus sur All Things Must Pass, hein, le fameux album de George Harrison, et j'aimerais y revenir trois minutes, enfin surtout sur George Harrison. Alors en 1958, il entre chez les Beatles. Alors à l'époque, ils ne sont pas encore les Beatles, ce sont les Quarrymen. Et c'est un ami d'enfance de Paul McCartney. Et c'est ce dernier d'ailleurs qui le présente à Lennon. Et c'est Harrison, pour la petite histoire, qui apprendra à Lennon à jouer de la guitare. Sa situation au sein des Beatles a été un petit peu compliquée. Hein, parce que bon, il faut dire, quand on est entouré par un duo de génie tel que l'étaient Lennon et McCartney, eh bien, c'est pas forcément évident ni facile bien de trouver sa place, de s'imposer, d'être reconnu. Alors, cela étant dit, il a quand même laissé quelques traces, quelques morceaux dans l'histoire des Beatles. Le premier titre qu'il va écrire pour eux,

Les Beatles, Taxman, le premier titre signé George Harrison qui a rencontré le succès en 1966, l'année de tous les chefs-d'œuvre d'ailleurs, ceci étant dit, c'était sur l'album Revolver. Alors, vous le savez ou pas d'ailleurs, McCartney est un surdoué qui sait tout faire. Il joue de la basse et du piano, évidemment ça tout le monde le sait, mais également de la batterie, de la guitare, etc. etc. Et sur ce titre, eh bien, George Harrison avait du mal, il ne s'en sortait pas avec son solo. Alors McCartney prend une guitare et il lui dit « Écoute, t'as qu'à faire un truc dans ce genre-là » et il commence à jouer quelque chose. Et à ce moment-là, le producteur George Martin enregistre cette improvisation de Paul McCartney. Et c'est celle-ci, d'ailleurs, que l'on retrouve sur le disque en 1966. On va écouter maintenant un autre classique du rock anglais, un titre signé Dire Straits. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous connaissez Dire Straits, mais est-ce que vous savez pourquoi, d'ailleurs, il s'appelle Dire Straits ? Hein ? Eh bien, tout simplement... Parce que quand ils ont enregistré leur premier album, alors c'était en 1978, Mark Knopfler et puis ses compagnons de l'époque ont mis toutes leurs économies dans l'enregistrement. Et du coup, bah, ils se retrouvent complètement fauchés dans la dèche totale. Et c'est cette situation qui va influencer le groupe initialement qui s'appelait The Kaifi Racers pour le choix de son nouveau nom, Dire Straits. Dire Straits qui provient de l'expression « to be in dire straits » et qui peut en effet se traduire par « être dans la dèche », « avoir du mal à joindre les deux bouts » ou « être dans une situation financière désespérée ». Alors heureusement pour eux, le succès de cet album et de Sultan No Swing plus particulièrement va inverser la tendance et c'est ce que j'appelle quand même, à ma façon, un bon retour sur investissement. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. Platform soul. They don't get rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Concentré l'émotion, à base d'huile essentielle de rock, de rock, de rock, de rock, de rock, de rock, de rock. Les classiques du mercredi soir sur Radio Web Passion. Merci d'être là, on est bien, on est au chaud, on écoute Hot Rod jusqu'à 20h. Profitez bien, d'autant que la suite devrait vous plaire. Là, on vient d'écouter une petite sucrerie, un petit office signé Pink Floyd, Pings on the Wings, le titre qui ouvre, mais qui ferme aussi également l'album Animals. Nous sommes en 1977, et pendant la tournée qui suit la sortie de cet album, il y aura le fameux Spitting Incident en 1978 au Stade de Montréal. 80 000 personnes assistent au concert et juste devant Roger Waters, il y a un type bourré qui n'arrête pas de chanter, de crier, de hurler, ce qui a pour effet de l'énerver quelque peu. Alors malgré que Waters lui demande plusieurs fois de se calmer, le gars insiste. Il va se mettre à jeter plein de petites choses, des morceaux de plastique, divers petits objets sur Roger Waters, qui finit bien évidemment, on s'en doute, par en avoir marre. Il va se remplir la bouche d'une grande lampée de bière et il va tout cracher sur la tête du type. Ce sera ce qu'on appelle le fameux spitting incident. Alors au moment où ils sortent de scène, Waters est vraiment dégoûté. Il dit « J'en ai vraiment marre de tous ces mecs devant moi bourrés. Je les hais tellement que je voudrais construire un mur entre eux et moi. » Et son manager de l'époque lui répond « Mais Roger, si t'en as vraiment marre, alors fais-le, construis ce mur. » Eh bien l'histoire, vous la connaissez, cela va donner l'album « The Wall ». En extrait maintenant, voici « Empty Spaces » et « Young Lust ». Thank you. Allez, pour vous accompagner jusqu'à 19h, celle qui va fêter ses 75 printemps le 29 décembre prochain, Marianne Faithfull, qui le 2 novembre 1979 sort son 7e album, Broken English, marquant son grand retour suite à sa période quelque peu tumultueuse, rock'n'roll, sexe et surtout drogue. En tout cas, c'est sûrement le plus important de sa carrière. À mon humble avis, si vous connaissez la demoiselle, c'est celui qu'il vous faut pour découvrir cette sorcière du rock. On va écouter What's the Hurry? Soir, il se transforme en bête sauvage. Chacal sort ses griffes sur Radio Web Passion. We'll be right back. gonna leave this town. Gonna make it bigger. With all the spirit in my heart. Gonna be a magic boy, voodoo child. Gonna come back and buy this town. And put it all in my shoes. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Radio Web Passion. Hear My Train Coming pour ouvrir cette deuxième heure que l'on va passer en compagnie de Jimi Hendrix. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du Guitar Hero. On va juste se focaliser sur une trilogie posthume composée des albums Valley of Neptune, People, Hell and Angels et Both Sides of the Sky. Voilà ce que je vous propose de détailler. Mais d'abord, on écoute Georgia Blues. Georgia, 27 years ago. Yes, I was. They say another man supposed to cry, but somebody tell me, what else can I do? But my little girl has walked out on me. Mama, oh mama, mama, can you hear your little boy calling your name? Thank you. Nous sommes en compagnie de Jimi Hendrix jusqu'à 20h et nous écoutons une petite trilogie d'albums posthumes. Alors le premier tome de cette trilogie, Valley of Neptune, paraît le 9 mars 2010. Le second, People, Hell and Angels, lui paraît le 5 mars 2013. Et le troisième et dernier, Both Sides of the Sky, paraît le 9 mars 2018. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces albums ? Eh bien, chaque album propose des enregistrements inédits, des enregistrements inédits de morceaux connus, parce qu'en fait, la plupart des morceaux qui sont proposés sur les galettes, eh bien, ont déjà été publiés par le passé dans des versions différentes. Voilà. Allez, on se passe un petit peu de musique. Allez, à tout de suite. Flying through the air on a kite every day and every night. Tears of Bay Area. sometimes the world ain't right. Yeah, I'm playing too much with one toy, baby. There's a bear escaped to the purple night. Oh, yeah. And you look around and see old jellyfish. He's saying flotation's groovy, baby. And even he'll tell you that. Yeah, getting high every day is easy. And floating around, even a jellyfish will agree to that. Oh, but you look around and see him floating around so long and easy and so slack. He don't have a bone in his jelly back. Is that the way you want to be, brother? Check it out. Yeah, I'm staying with the power of you. Alors, les enregistrements proposés sur ces trois disques datent de la période pré-Band of Gypsy, hein, qui précède la séparation de l'Experience au printemps 1969. Ça concerne également les périodes Gypsy, Sun and Rainbow de l'été 1969 et la période Band of Gypsy fin 1969, début 1970. Alors pour rappel, hein, Jimi Hendrix n'a sorti que trois albums studio. Are You Experience It, ça c'était en 1967. Axis, Bold as Love en 1967 également. Et Electric Ladyland, lui, est paru en 1968. Alors comme je l'ai dit précédemment, ces albums contiennent des versions inédites, hein, de morceaux connus, mais aussi des inédits sur lesquels Jimi Hendrix travaillait dans le but de donner une suite justement à son dernier album Electric Ladyland. Touching a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see a weapon sparking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they saying, "Those people so uptight, they sure know how to make a mess." Yeah. Rods, l'énergie, le style, la passion, passion, passion, passion, passion, passion, passion. Alors en tout, ce sont à peu près 40 titres, c'est pas à peu près, hein, ce sont 40 titres qui sont présentés à nos oreilles de mélomanes délicats. La majorité des morceaux sont enregistrés au Record Plant Studio de New York ou alors au Studio Olympique de Londres. Mais on trouvera aussi des enregistrements qui sont faits au Studio Air à Londres, au Studio Homestead à New York, au Sound Center à New York également, au Hit Factory à New York aussi. Et puis, on pourra aussi en trouver qui sont enregistrés au Fame Studio à Muscle Shoals. Ça, c'est en Alabama. Alors, jusqu'à présent, hein, depuis 19h, on a écouté Georgia Blues, Hear My Train Coming, Power of Soul, Inside Out, Somewhere, Bleeding Heart. Ça, c'était pour le dernier titre qu'on vient d'écouter. On avait ouvert l'émission à 18h avec Earth Blues. Ensuite, on avait passé aux alentours de 18h30 un autre titre qui s'appelait Isabella. Et voilà, et puis là je vais vous en rajouter trois supplémentaires parce que c'est cadeau, hein, c'est bientôt Noël, donc trois titres supplémentaires. On va écouter Loverman, on va écouter Lullaby from the Summer et Ships Passing Through the Night. Allez, c'est parti, on reste en mode Jimi Hendrix jusqu'à 20h, on explore la trilogie posthume composé des trois albums, évidemment, puisqu'il s'agit d'une trilogie Valley of Neptune, qui est paru le 9 mars 2010, People, Hell and Angel, lui, qui est paru le 5 mars 2013, et Both Sides of the Sky, qui est paru le 9 mars 2018. Allez, on y retourne. Vas-y, Gaucher, envoie la gratte. to shake those blues right out of your hair. Thank you. Eh bien, le temps passe toujours aussi vite hein, sur Radio Web Passion, surtout en compagnie de Jimi Hendrix. Ah, il est déjà l'heure de commencer à plier les gaules. Alors, peut-être pour certains dans des capsules une petite, pour d'autres de passer à table, de regarder les infos, de se mettre une petite série, pourquoi pas. Enfin bref, de retourner à la vie normale après une petite immersion dans les années 70. Alors, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous bien la semaine prochaine. Hein, donc, même heure, même endroit, on ne va pas changer une équipe qui gagne. La semaine prochaine, il n'y a pas de spécial. On écoutera plein de petites pépites des années 70, comme d'habitude. Alors, pour retrouver cette émission et les autres aussi, d'ailleurs, en podcast, vous n'avez qu'à suivre le lien sur la page Facebook. Il est sur la partie gauche, vous allez voir, il y a un petit lien en bleu. Vous cliquez dessus et ça vous donne accès à la page totale et l'intégralité des podcasts depuis le début de l'aventure Hot Rods. Voilà, vous pouvez même me laisser un petit commentaire, un petit avis, me dire si cette émission vous a plu ou pas sur la page Facebook. Hein. Je réponds à tout, je ne mords pas. Voilà, vous pouvez me laisser un petit message. Alors, pour vous remercier de votre attention et de votre fidélité, je vais vous offrir un petit dernier pour la route. Le titre s'appelle Jungle et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous embrasse, bisous les amis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Parfait. Alors lève ton cul.